D'un côté, il y a les étoiles massives, brillantes. De l'autre, il y a les planètes géantes comme Jupiter, mais en encore plus gros. Ce sont deux types d'astres distincts qui ne se forment pas de la même façon. Mais comme toujours dans l'histoire de l'univers, il y a un continuum. Et entre les étoiles et les planètes géantes, ce continuum, ce sont les naines brunes. De petites étoiles froides qui ne sont pas vraiment allumées, qui peuvent théoriquement abriter un système planétaire, mais qui peuvent aussi orbiter autour d'une autre étoile allumée, elle. Froides, sombres, elles étaient prévues par la théorie, elles ont été observées assez récemment et elles ont plein de choses à nous raconter sur l'astrophysique. Les naines brunes ne comptent pas pour des prunes, c'est le programme pas clair qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Cette surenchère au mauvais jeu de mots dans le titre nous emmène vraiment, vraiment trop loin parfois, je m'en excuse. Pour tout savoir en tout cas sur ces naines brunes, comprendre comment on les a découvertes et ce qu'elles peuvent nous raconter en termes de cosmologie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Rélet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse de l'Institut UTINAM de l'Université Franche-Comté et Clémence Fontanive, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorale au Centre pour l'espace et l'habitabilité de l'Université de Berne et membre du pôle de recherche nationale suisse Planète S. Mais avant de nous pencher sur ces NEM, nous retrouvons notre géante de l'actualité scientifique quotidienne, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue aujourd'hui dans la revue MNRAS avec pour la première fois la mesure d'une très jeune exoplanète. Une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS et du CNES, a utilisé l'instrument Spirou, un chasseur d'exoplanètes, et plus précisément un spectropolarimètre haute résolution pour le télescope Canada-France-Hawaï. Les chercheurs l'ont utilisé pour étudier à U-microscopie, à U-mic, une très jeune naine rouge à 32 années-lumière de la Terre, vieille de seulement 22 millions d'années, très jeune et qui est donc extrêmement active. Et très proche d'elle orbite AU-MIGB, une géante gazeuse tout aussi jeune. Spirou vient d'en révéler sa masse et sa densité. AU-MIGB a une masse et une densité similaires à celle de Neptune. C'est la première fois que l'on parvient à mesurer la densité interne d'une très jeune exoplanète de au moins de moins de 200 millions d'années. Les capacités spectropolarimétriques de Spirou ont permis de corriger les perturbations de vitesse radiale provoquées par l'activité magnétique de l'étoile. Ces résultats sont importants car ils nous permettent de mieux comprendre l'impact des champs magnétiques sur la formation des planètes et sur l'évolution des étoiles. Et on vous met, comme tous les jours, toutes les études, également quelques belles vues d'artistes aujourd'hui sur notre fil Twitter @laméthodefc et que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Selon une étude parue dans The Cryosphere, sur toute la planète, la fonte des glaces s'accélère à un rythme record. Une équipe britannique a étudié 23 années d'observations satellitaires pour évaluer la fonte des glaces partout dans le monde, des glaciers de montagne aux calottes polaires. Entre 1994 et 2017, le taux de perte de glace s'est accéléré de 65%. En une vingtaine d'années, nous avons perdu 28 trillions de tonnes de glace. Cela correspond au pire scénario du GIEC. Le réchauffement de l'atmosphère et des océans sont responsables de cette fonte accélérée. Cela aura des conséquences graves sur l'élévation du niveau de la mer, mais aussi sur les ressources en eau douce, puisque les glaciers de montagne sont également concernés. Une étude parue dans The Journal of Human Evolution, on a peut-être identifié des fossiles d'une nouvelle population hybride Néandertal-Homo sapiens. Il s'agit de 13 dents découvertes au début du XXe siècle sur le site paléolithique de l'île Jersey. On pensait que ces dents appartenaient à un seul individu, à un Néandertalien. Cette équipe anglaise montre qu'elles appartiennent en réalité à au moins deux adultes et les chercheurs apportent de nouvelles datations. Ces fossiles sont vieux de 48 000 ans. Or, les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40 000 ans. Ce de plus, cette dentition affiche des caractéristiques néandertaliennes, mais aussi des caractéristiques humaines. Peut-être est-ce un croisement, une population hybride. Les chercheurs vont extraire de l'ADN ancien de ces dents afin de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Science, les communautés de rats ratopnu ont leur propre dialecte. Oui, sans poils, aveugle et sourd, le ratopnu est l'une des rares espèces de mammifères à vivre dans de grandes colonies composées d'ouvriers et sous le contrôle d'une seule reine reproductrice, comme chez les fourmis et les abeilles. Lorsqu'ils se rencontrent, ces rongeurs émettent de petits cris aigus. Une équipe allemande a analysé 36 000 enregistrements de couinements d'une centaine d'animaux de 7 colonies différentes. Chaque colonie possède en fait son gazouillis spécifique, comme des accents ou des dialectes humains. Un animal reconnaît le dialecte de son propre groupe. De plus, les ratopnus imitent les cris de la reine de leur colonie. Voici donc la première preuve d'une transmission culturelle d'un dialecte chez le rongeur. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences et petit teasing, petite annonce de ce qui vous attend puisque nous consacrerons d'ici quelques semaines, dans mon souvenir, d'ici 2 ou 3 semaines, une émission entière justement à cet assez surprenant, fascinant et étrange ratopnu. Mais aujourd'hui, direction comme souvent le mardi, l'espace et l'univers, puisque ce sont parmi les derniers objets célestes à avoir intégré justement le bestiaire de notre univers, bien longtemps après les trous noirs ou les naines blanches par exemple. On a cru un temps qu'elles pourraient expliquer la masse manquante ou la matière noire de l'univers. On a également cru qu'elles étaient rares avant de se rendre compte qu'elles étaient abondantes, pouvant aller jusqu'à 20 voire 40% selon les calculs des astres de la galaxie. Et pourtant, les pauvres sont victimes d'une forme d'ostracisme puisqu'on parle souvent d'elles comme d'étoiles ratées. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui réhabiliter les naines brunes, ces objets que l'on pourrait qualifier d'intermédiaires entre une étoile et une planète géante, qui présente des caractéristiques des deux sans être ni tout à fait l'une ni tout à fait l'autre. Si c'est en 1995 que la toute première naine brune observée est consignée dans un papier de la revue Nature, Gliese 229b, c'est 2 ans plus tard, en 1997, que la première naine brune isolée est détectée et c'est l'œuvre d'une astronome chilienne que l'on écoute dans notre archive du jour. Parfois, le rêve de tout astronome se produit. Découvrir une nouvelle planète. Comme lors de cette nuit étoilée, du 15 mars 1997. J'ai compris que j'avais découvert la première naine brune. C'était vraiment un cadeau de l'univers, car je ne faisais pas de recherche là-dessus. C'est la naine brune qui est apparue et m'a fait « Salut ». La naine brune, objet hybride dans l'univers. Pas vraiment une planète, mais ni pour autant une étoile, car elle n'émet qu'un faible rayonnement. Voilà pourquoi les astronomes ont mis du temps avant de les détecter. Découverte capitale pour la science, son étude permet de mieux connaître la formation et l'évolution de l'univers. Voilà, cette découverte par l'astronome chilienne Maria Teresa Ruiz en 1997, une réaction peut-être à cette archive et à cette découverte. Alors encore une fois, c'est pas la toute première naine brune, mais c'est une naine brune importante puisque c'est une naine brune isolée. Qui veut réagir à ça? Clémence Montanif pour commencer. Oui, effectivement, la première naine brune seule, c'était vraiment quelque chose. Parce que jusque-là, on en avait découvert quelques-unes autour d'étoiles et c'était vraiment pas clair la façon dont elles se formaient. On savait pas si c'était juste une super Jupiter, donc des grosses planètes, ou si elles s'étaient formées comme des étoiles et représenteraient une version miniature d'un compagnon stellaire binaire. Mm-hmm. Donc le fait d'en voir un tout seul, ça a un peu permis d'élucider tout ça et de montrer qu'effectivement... On a des choses qui peuvent se former comme des étoiles, mais qui vont se retrouver toutes seules à flotter dans l'espace avec des allures de planètes. Votre réaction peut-être juste effectivement à cette découverte et comme souvent, alors on va reparler de la chronologie, de la théorie jusqu'à l'observation, etc. Mais ce qui est toujours assez fascinant dans l'histoire de l'astronomie, c'est ces moments qu'on appelle de sérendipité, c'est-à-dire que on cherche quelque chose et puis on tombe sur toute autre chose et d'un seul coup, on tombe sur un pan immense de l'astronomie que l'on n'avait pas vraiment prévu de découvrir à cet endroit-là, Céline Rélé. Oui, c'est sûr que je pense que ça a dû effectivement faire plaisir à Maria Teresa Ruiz d'avoir, c'est toujours, je pense, un peu le graal d'un astronome de découvrir quelque chose qui est prédit en plus par la théorie depuis une trentaine d'années et qui échappe au télescope et au détecteur. Et effectivement, avoir cette naine brune isolée avait aussi des conséquences sur les grandes questions de l'époque, enfin les grandes questions même qui existent encore aujourd'hui sur la matière noire, notamment la masse manquante dans la Voie lactée. Mmh. Aujourd'hui, donc c'était effectivement, je l'ai dit, hein, peut-être l'un des derniers. Alors il y en a eu quelques autres depuis, mais enfin c'est tout de même assez récent, hein, 97. On a c'est une vingtaine d'années à peine, un peu plus, 25 maintenant. Aujourd'hui, des naines brunes, c'est des objets qu'on a en abondance, qu'on a observé en abondance. On en a découvert là aussi toute une tératologie différente. Céline Rélé. Alors, il n'y en a pas tant que ça, hein, en fait. C'est des astres qui sont quand même assez difficiles à détecter. Alors, je dirais, bon, encore une fois, la définition de, enfin, la définition n'est pas floue, mais savoir vraiment, avoir vraiment une naine brune confirmée comme étant naine brune n'est pas forcément très simple encore aujourd'hui. Mmh. Mais je dirais qu'on a à peu près entre 4000 et 8000 naines brunes relativement confirmées. Évidemment, c'est des naines brunes qui sont très proches du Soleil. Mmh. Elles sont peu lumineuses, donc on les observe pas de l'autre côté de la galaxie. Donc on a un échantillon finalement qui est pas si énorme que ça encore aujourd'hui. Mmh. Même s'il augmente, il augmente. Et en particulier avec Gaïa, avec la mission spatiale Gaïa, pas mal de découvertes qui ont été faites. Donc on parlera évidemment, hein, tout à l'heure de l'apport très très important de Gaïa pour l'observation des naines brunes. Clémence Fontanis, je disais, hein, au début, la théorie pensait que c'était des objets relativement rares. J'ai lu aujourd'hui, et je voulais vous faire réagir à ça ou parler sous votre contrôle, que on estime, alors c'est une estimation, il faut prendre beaucoup de précautions, beaucoup de pincettes, mais on estime qu'il y aurait une naine brune pour un peu plus de 6 étoiles. Donc c'est finalement un objet extrêmement, extrêmement courant. Oui, voilà, donc c'est les ratios qu'on essaye de calculer en extrapolant un petit peu ce qu'on voit autour de nous, juste à côté du Soleil. Donc en gros, dans un rayon de 30 années-lumière autour de nous, on a à peu près 20 étoiles comme le Soleil, 10 étoiles plus grosses, 300 petites étoiles pour une cinquantaine de naines brunes. Mmh. Et donc, évidemment, on continue à en détecter. C'est des objets qui sont très peu lumineux, donc on en découvre de plus en plus proche de nous. Donc, dans ces 50, c'est une limite inférieure, ça pourrait être plus. Et en extrapolant, du coup, ces chiffres au reste de la galaxie, on sait qu'on a à peu près 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Du coup, voilà, ça fait un ratio de 1 pour 5, 1 pour 6 au minimum. Donc, on estime entre peut-être 20 milliards jusqu'à éventuellement 100 milliards de naines brunes pour 200 milliards d'étoiles. Mmh. Donc un phénomène finalement très courant. Vous confirmez ces ratios, Céline Rélé? Oui, bah, c'était effectivement un petit calcul que je m'étais amusée à faire il y a quelques années, et j'étais arrivée à 25 à 100 milliards de naines brunes pour une galaxie, on va dire, de 150 à 200 milliards. Et en fait, ce chiffre qui est très incertain, il dépend beaucoup justement, oui, de notre connaissance au voisinage solaire, et comme donc le disait Clémence, en particulier du côté des naines brunes très froides et très peu lumineuses, on a encore beaucoup d'incertitudes, y compris dans les 30 années lumière autour de nous. Ces grandes incertitudes. Mmh. Voilà, y compris, j'allais le dire, y compris même très près, puisque on en reparlera certainement tout à l'heure. Il est même peut-être possible que finalement l'astre le plus proche de nous en dehors du système solaire ne soit pas Proxima du Centaure, mais serait peut-être une naine brune, Céline Rélé. Pourquoi pas, Oui. Donc, on n'a pas de preuve de ça, mais Oui, le ciel est vaste, hein. Donc on a aujourd'hui quand même, on est dans l'ère des grands relevés, mais malgré tout, voilà, faut aller un peu à la pêche pour faire ce genre de découvertes qui serait très sympathique à faire d'ailleurs, je pense. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des naines brunes tout au long des 7h en compagnie de Céline Rélé et de Clémence Fontanive. Alors peut-être qu'on peut commencer simplement par faire quelque chose d'un peu descriptif, ou peut-être même commencer avant cela, Clémence Fontanive, je vais vous laisser le faire, lever une petite ambiguïté taxonomique. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une naine brune? Oui, alors le nom a été longuement débattu dans le milieu. À la base, l'astronome qui avait prédit les naines brunes les avait appelées des naines noires. Sauf qu'en fait, le terme naine noire, finalement, était déjà utilisé pour ce que le futur du Soleil deviendra un jour, quand il s'éteindra complètement. Mais du coup, donc, les naines brunes ont tendance à briller principalement dans l'infrarouge, donc elles auraient plutôt une couleur rouge. Mais le terme naine rouge était déjà utilisé pour les étoiles peu massives. les plus petites étoiles, plus petites que le Soleil, sont des naines rouges. Du coup, comme elles ont quand même ces couleurs un peu magenta, violette, mais qu'elles évoluent au cours de leur vie, elles ne restent pas juste à la même température et à la même couleur. C'est le terme brun qui a été retenu pour embrasser un petit peu toutes ces couleurs autour du marron, rouge, orange, violet. Et j'ai lu, alors, puisque je le disais à propos de l'astronome chilienne qui a découvert la première naine brune isolée, Maria Teresa Ruiz, qu'en en espagnol on parle de enana café, de naine café, tiens, voilà. Je vous soumets ça, comme ça je fais un bide totalement sur ma naine café. On va continuer. Peut-être qu'on peut parler de la théorie, Céline Rélé, la prévision de ces naines brunes, de l'existence de ces naines brunes, elle apparaît dès les années 60. Vous pouvez me raconter un peu comment est-ce qu'on a envisagé l'existence de ces astres ? Alors, par définition, une étoile est une étoile parce qu'elle fusionne de l'hydrogène en hélium en son cœur, en tout cas de manière durable et une grande partie de la plupart de sa vie. Et donc, il y a une masse minimum en dessous de laquelle les températures au cœur de l'étoile, enfin de l'astre, ne sont pas suffisantes pour démarrer ses réactions de fusion nucléaire. Donc un peu en deçà de cette masse qu'on met entre 70 fois la masse de Jupiter ou 80 fois la masse de Jupiter, on n'a pas de possibilité d'avoir des réactions de fusion d'hydrogène, en tout cas de manière stable et durable. Et donc c'est là cette limite étoile naine brune. Et c'est pour ça donc que vient ce terme étoile ratée également, qui est effectivement pas très sympathique pour ces astres qui sont fascinants. Qui sont pas ratés du tout, qui sont d'ailleurs très intéressants et qui nous racontent beaucoup de choses, comme on va le voir. Peut-être un mot sur cette théorie, puisque la théorie donc elle est formulée par Kumar et Hayashi en 1962 et 63. Vous voulez préciser peut-être quelque chose, Clémence Fontanive? Oui, bah juste le fait qu'en fait c'était particulièrement tôt de prédire l'existence de ces objets en 63. Il aura quand même fallu attendre plus de 30 ans avant d'enfin les voir. Mais au final, une fois qu'on les a découverts, les théories qui avaient été prédites en 63 correspondaient de manière assez fiable finalement aux objets qu'on a trouvés. Donc évidemment, c'est des objets complexes, donc on a toujours du mal à les comprendre. Mais effectivement, ces prédictions étaient vraiment correctes 30 ans avant d'être capable de les détecter. Comment on explique cette période de 30 ans? Parce qu'effectivement, on avait une sorte de portrait robot intéressant. Alors évidemment, il y a l'autre problème qui c'est que ce sont des objets relativement froids, donc très peu lumineux. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt de la part de la communauté astrophysique. Ça veut dire qu'on estimait que c'était surtout des objets théoriques. Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un effort de recherche dès le début des années 60, Céline Rélé? Bon, je n'y étais pas, mais je pense pas qu'il y ait eu un désintérêt par rapport à ça. C'est juste que les techniques n'étaient pas disponibles. C'est des astres qui sont très peu lumineux, effectivement, qui émettent principalement dans l'infrarouge proche. Donc, il a fallu vraiment attendre l'avènement déjà des détecteurs des plus grands télescopes, des grands relevés, des détecteurs dans l'infrarouge proche pour commencer à observer ces astres. Donc, dès les années 80, je dirais, il y a eu vraiment des recherches assez poussées pour rechercher ces astres. Le premier candidat, avant Gliese, dont on va parler dans un instant, c'était en 1988, un astre qui s'appelle GD-165b, mais l'observation n'était pas tout à fait concluante, c'est Clémence Fontanive. Oui, c'est ça. En fait, donc ça a été le premier candidat naine brune, mais comme il a une masse vraiment à la limite entre les étoiles et les naines brunes, on n'était pas capable de dire assez rapidement, de confirmer vraiment si c'était juste une étoile de faible masse ou vraiment la première naine brune. Mmh. Donc il a fallu attendre en 95 pour la vraie confirmation d'une naine brune. C'est une relais sur ce premier objet GD-165b et sur le deuxième, sur la nature de cet objet. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, ce que c'est que cette observation de Gliese-229b? Oui, alors c'est des observations autour une observation autour d'une autre étoile, comme d'ailleurs le premier candidat. Alors, la difficulté pour pour observer ces astres plus lumineux, c'est la première difficulté, c'est de savoir où pointer le télescope, parce que le ciel est très vaste. Et donc l'idée était de regarder autour d'autres étoiles, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'étoiles qui sont binaires dans la galaxie. Et l'intérêt aussi de faire ces observations autour d'autres étoiles, c'est qu'on peut, avec les lois de la gravitation, déterminer la masse assez précisément de l'astre qui orbite autour de l'étoile. Et qui permet ainsi de confirmer que Gliese 229b est bien dans le domaine des naines brunes. Ce qui est intéressant, c'est que donc Gliese 229b, c'est une détection après, qui est évidemment à la suite de Gliese 229a, et donc ce qu'on détecte en fait, Clémence Fontanif, c'est un système d'étoiles doubles. Qu'est-ce qui permet de discriminer le fait que Gliese 229b n'est pas finalement une supergéante et qu'il s'agit bien là d'une naine brune, outre la masse? Est-ce qu'il y a d'autres indices? Oui, donc elle est déjà relativement massive. Hein. C'est très compliqué dans les modèles de formation de planètes de former quelque chose d'aussi massif de la même manière qu'on formerait les planètes du système solaire. Mm-hmm. Donc c'est une masse effectivement qui rentre dans la définition de la gamme de masse des naines brunes. Et ensuite, on a observé donc les composantes de son atmosphère. Et on a trouvé des choses comme du méthane, du lithium, qui sont vraiment typiques de ce qu'on attend d'une naine brune. Mmh. On reviendra sur cette question du méthane et notamment du lithium. Donc là, on a un premier système double. On va en trouver, hein, une fois qu'on a trouvé Gliese 229b, d'un seul coup, ça va être un peu, ça va débloquer un peu finalement les observations. Comment est-ce qu'on explique qu'après de Gliese 229b, d'un seul coup, c'est parce qu'on sait mieux où regarder ou comment analyser ce que l'on voit, Céline Rélé? Alors il y a d'autres zones dans le ciel qui ont été observées aussi assez intensivement à nouveau, parce que ce sont des zones restreintes du ciel, donc on savait où pointer le télescope, qui sont les amas d'étoiles jeunes. Et donc il y a eu également à peu près en même temps que 1929b la découverte de TID1, qui est une naine brune dans l'amas des Pléiades, qui est un amas relativement jeune, il a seulement 100 millions d'années. Et donc cette naine brune était relativement brillante, puisque la naine brune qui du coup n'a pas de source d'énergie interne ou très peu va refroidir et devenir de moins en moins lumineuse en vieillissant. Donc ça a été aussi une découverte assez importante. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'à partir de ce moment-là, on commençait vraiment à avoir la technique pour faire des recherches assez systématiques de ces astres. Et donc, d'où l'importance de cette découverte que l'on évoquait tout à l'heure de Maria Teresa Ruiz en 97, Kelu-1, qui est une naine brune isolée. Ça veut dire que c'est une naine brune qui flotte toute seule dans la galaxie, ou est-ce que c'est une naine brune, puisque l'on a dit que, et on verra tout à l'heure, ce que sont les mécaniques, ou en tout cas les scénarios de création d'une naine brune, est-ce qu'on peut imaginer qu'une naine brune puisse avoir, finalement, comme c'est une étoile ratée, on ne le redira plus jamais, un système planétaire? Clémence Fontanive. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la technologie encore pour détecter des petites planètes autour de naines brunes. Elle pourrait aussi avoir un autre compagnon, une autre naine brune plus petite. Dans ce cas-là, on n'en a pas encore trouvé. Mais on connaît aussi des systèmes binaires de naines brunes. Et elle aurait pu perdre son compagnon aussi. En cours de route, après une interaction avec d'autres étoiles. Céline Rélé, ces naines brunes isolées, du coup, comment est-ce qu'on peut les voir et comment? Alors, on peut reparler un peu de la découverte de Ruiz, mais on peut aussi se demander, finalement, puisque ce sont des objets très peu lumineux, qui sont, si on n'a pas une deuxième étoile autour, comment est-ce qu'on fait pour les repérer, pour les identifier? Donc, la recette est assez simple dans le sens où déjà il faut observer la plus grande partie du ciel possible pour espérer en avoir sur les images. Et ensuite, ce sont des astres qui émettent principalement dans l'infrarouge. Donc c'est des astres qui sont de couleur très rouge. Donc c'est avec les grands relevés du ciel qu'il y a eu dans les années 90-2000, on a pu avoir des informations sur les couleurs des astres, d'un très grand nombre d'astres sur la voûte céleste, et ainsi aller rechercher ces astres de couleur très très rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait faire finalement, maintenant qu'on est arrivé à cet endroit de l'émission, une sorte de carte d'identité ou de description, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les critères qu'il faut remplir pour être identifié comme une naine brune, Clémence Fontanive? Alors la définition actuelle est basée sur une gamme de masse. Donc la limite supérieure est bien définie et à peu près tout le monde est d'accord. Donc c'est la capacité de commencer les fusions nucléaires et de fusionner de l'hydrogène de manière stable. Donc ça correspond à peu près 75 fois la masse de Jupiter. Mmh. Donc pour être une naine brune, il faut être en dessous de cette limite. Mmh. Par contre, la limite inférieure est un petit peu plus floue. Donc pour l'instant, c'est une limite qui est placée à 13 fois la masse de Jupiter, à peu près, ce qui correspond à la température qu'il faut pour fuser du deutérium. Mmh. Donc c'est une limite qui a été choisie en symétrie avec la limite supérieure. Mmh. Ça, c'est pour la masse. Quelles sont les autres caractéristiques? Notamment, on peut penser à des caractéristiques de température de surface ou éventuellement de composition, Clémence Fontanive? Oui, donc la température de surface, elle change en continu pour une naine brune, parce que justement, comme une naine brune n'est pas capable d'avoir ses réactions de fusion nucléaire dans son noyau, contrairement à une étoile, il n'y a pas de source interne d'énergie qui permet de les maintenir à une température constante. Donc à cause de ça, une naine brune va être relativement chaude au moment de sa formation, parce que sa formation va libérer beaucoup d'énergie et de chaleur. Mais à partir de ce moment-là, sans rien pour la maintenir à une température constante, elle va passer toute sa vie à devenir de plus en plus froide et de moins en moins lumineuse. Mmh. Donc c'est un petit peu difficile de définir une naine brune juste par sa température. On utilise la température pour les classifier. On a différents types de naines brunes. Et donc les naines brunes, au fur et à mesure qu'elles refroidissent, vont évoluer en apparence et en température et passer dans ces différentes classifications qu'on a. Céline Rélé, pour compléter, on peut notamment poser la question, on sait qu'en matière d'étoiles, plus l'étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Ça veut dire que les naines brunes sont des astres dont la durée de vie est extrêmement longue? Alors, quand on parle de durée de vie d'une étoile, souvent on parle de temps où elle va fusionner l'hydrogène, puisque c'est la plus grande partie de sa vie. Après, il y a des stades différents d'évolution stellaire. Une étoile devient une étoile géante, après une nébuleuse planétaire, puis une naine blanche. La naine brune n'aura pas ces stades-là. Donc effectivement, c'est des astres. Alors, quand est-ce qu'une naine brune meurt? Je ne sais pas. Ce sont des astres qui sont appelés à se refroidir de manière assez indéfinie. Donc, c'est des astres qui on peut dire effectivement qu'ont une durée de vie assez importante. Mmh. Par rapport à la limite naine brune étoile. Mmh. Donc effectivement une définition très claire, hein, 75 fois la, alors ceci dit c'est à peu près 75 fois la masse de Jupiter, parce que ça dépend aussi de sa composition. Cette masse peut dépendre de la composition de l'astre, mais comme je disais tout à l'heure, avec les lois de Kepler, les lois de gravitation, on peut estimer la masse d'une naine brune si elle est en orbite autour d'autres choses, mais les naines brunes isolées comme KELU1, c'est quelque chose qui est du coup qu'on ne peut pas, on n'a pas de balance magique pour peser ce genre d'astre. Donc ça reste très compliqué. Peut-être un mot également, Céline Rélé, sur la composition, parce qu'on a parlé de quelque chose d'important, c'est le deutérium. Peut-être qu'on peut expliquer ça maintenant, puisque on en a parlé, on peut d'ailleurs vous remettre quelques liens sur les émissions où on parlait de nucléosynthèse ou les émissions que nous consacrions au processus de formation des étoiles. Il s'avère que le deutérium a ceci de particulier vis-à-vis de l'hydrogène, que son point de fusion, sa température de fusion est un tout petit peu plus basse, et c'est précisément ça qui fait la spécificité des naines brunes. Vous pouvez développer là-dessus, s'il vous plaît? Alors, effectivement, la fusion de l'hydrogène va pouvoir avoir lieu quand au cœur de l'astre, on atteint à peu près 10 millions de degrés. Pour le détérium, mais c'est l'élément qui va fusionner à la plus basse, qui nécessite des températures les plus basses pour fusionner, qui est de l'ordre du million de degrés. Donc, on peut avoir la fusion de certains éléments dans les naines brunes. Et donc, cette limite aussi place la différence entre naine brune et étoile et planète, d'après la définition actuelle d'une planète et d'une naine brune. On rappelle que le deutérium est un isotope de l'hydrogène, l'isotope le plus courant. Il y a une autre caractéristique de ces naines brunes, je crois, c'est que si on trouve des traces de lithium, c'est vraisemblablement qu'on a affaire à une naine brune. Vous pouvez là aussi, peut-être Céline Rélé, nous expliquer pourquoi le lithium fait une différence entre les naines brunes et les étoiles dites allumées. Eh bien, parce que dans une étoile, le lithium ne peut pas subsister, en fait, parce qu'il est brûlé par l'étoile. Donc, si on découvre du lithium dans l'astre, ça veut dire qu'il est en dessous qu'il n'a pas démarré la fusion de l'hydrogène. Donc, on est dans le cadre des naines brunes. Ceci dit, ça marche pour des naines brunes qui sont de l'ordre un peu moins de 60 fois la masse de Jupiter. Donc, à la limite étoile naine brune, encore ce test ne fonctionne pas pour faire la différence entre une étoile et une naine brune. En plus, on trouve aussi du lithium parfois quand même dans des étoiles très jeunes. Donc, c'est un test supplémentaire, mais qui est encore une fois à ses limites. Qui n'est pas suffisant en tout cas. Clémence Fontanive, peut-être sur toutes ces caractéristiques chimiques de la naine brune, sur le deutérium, le lithium, il y a peut-être des choses. On parle également du méthane. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces spécificités chimiques? Oui, exactement. En fait, les naines brunes sont tellement froides que certaines molécules peuvent se former. Donc, dans l'atmosphère de notre Soleil, il fait tellement chaud que même si on a tous les ingrédients pour former les molécules de méthane et d'eau, ces différents atomes n'arrivent pas à se mettre ensemble pour former de l'eau ou du méthane. Alors que dans une naine brune, il fait suffisamment froid pour avoir, par exemple, de la vapeur d'eau ou des molécules d'ammoniac, de méthane, de monoxyde de carbone. Et on peut utiliser la détection, le fait de voir la présence de toutes ces molécules pour confirmer et classifier, vraiment caractériser le type de naine brune dont on a affaire. Oui, parce qu'on entend bien, et on parle depuis tout à l'heure, des naines brunes comme d'étoiles qui ne se sont pas suffisamment allumées, et on examinera les scénarios tout à l'heure, mais on peut voir aussi, et c'est une autre caractéristique, Clémence Fontanive, que eh bien, du coup, le fait de ne pas avoir déclenché ces réactions de fusion, ça provoque d'autres comportements qui là ressemblent plus à des comportements planétaires, et notamment à ce qu'on pourrait qualifier d'une forme d'atmosphère ou de courant atmosphérique qui ressemble de très près à ce que l'on trouve à la surface des planètes géantes. Oui, exactement. Donc, notamment les naines brunes les plus froides peuvent et les moins massives vont avoir des masses et des températures presque similaires aux plus grosses planètes qu'on connaisse. Donc, elles sont vraiment similaires en apparence à des planètes géantes gazeuses. Donc, le fait qu'elles n'aient pas de source de chaleur interne et refroidissent en continu pendant toute leur vie, ça les rend vraiment similaires dans cet aspect à des planètes géantes. Et le fait d'avoir les mêmes gammes de température, effectivement, ça veut dire qu'on va voir les mêmes choses dans leurs atmosphères, donc les mêmes molécules, les mêmes atomes, mais aussi parfois même des systèmes météorologiques, comme la présence, on peut voir de la présence de nuages ou de bandes, comme on en voit sur Jupiter. Il peut y avoir des aurores, des vents avec des variations cycliques. Donc, comme on voit sur Saturne et Jupiter dans notre système solaire. Et un mot tout de même pour préciser, parce que je ne crois pas me souvenir que vous l'ayez fait tout à l'heure, quand on parle de relativement froide, pour donner un ordre de grandeur, on est aux alentours de 1000 Kelvin, donc un peu plus de 700 degrés Celsius, pour une naine brune en début de vie, c'est quelque chose comme ça? Je dirais que c'est un petit peu plus. Un peu plus? Je pense qu'on pourrait monter jusqu'à 2000, hein, cette limite, encore une fois, étoile naine brune. Et ça peut aller jusqu'à moins 200 degrés ou aux températures de surface de Jupiter. Ce qui est, voilà, c'est ça. À titre comparatif pour la surface de Jupiter. On va continuer à parler de ces naines brunes. Vous allez voir que ça pose un certain nombre de défis observationnels. On va essayer aussi de comprendre bien comment elles peuvent se former, puisque, eh bien, à l'origine d'un système solaire et planétaire, il y a un nuage de gaz qui s'effondre. Donc, finalement, le Soleil et les planètes sont formés de la même façon, mais pas avec les mêmes éléments, mais pas de la même façon précisément. Allez, ça continue tout à l'heure, dans quelques instants. L'arc-en-ciel de Bilbao Kung Fu à 16h35 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons des naines brunes en ce moment et tout au long de cette heure en compagnie de Céline Rélet, qui est astrophysicienne, chercheuse de l'Institut UTINAM de l'Université Franche-Comté, et Clémence Fontanive, chercheuse postdoctorale au Centre pour l'espace et l'habitabilité de l'Université de Berne et membre du pôle de recherche nationale suisse Planète S. Alors on l'a dit, hein, bien sûr, face à ces astres relativement sombres, peu lumineux, le problème, eh bien, c'est un problème observationnel et c'est ce défi technique que vous êtes allé essayer de comprendre dans le reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai pris comme objet de recherche une naine brune découverte il y a une dizaine d'années dans le cadre du programme KORO piloté par le CNES. Ce satellite qui a cessé ses observations en 2014 était chargé de débusquer des exoplanètes. Et dans ses observations, il a pu découvrir des naines brunes comme KORO 15b. Guillaume Hébrard est directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et membre de l'équipe Exoplanètes et Milieux Interstellaires. Il a justement contribué à la découverte de KORO 15b et il nous dit tout sur l'aspect délicat de la caractérisation des naines brunes, mais aussi sur les recherches récemment entamées par son équipe pour observer ces astres particuliers. KORO, son but, l'un de ses objectifs, c'était de détecter, de caractériser de nouvelles planètes extrasolaires en transit devant leurs étoiles hôtes. Et détecter une planète en transit devant son étoile hôte, et ben c'est très important parce que ça permet d'obtenir tout un tas d'informations pour la caractérisation de cette planète, notamment sa taille, le rayon de cette planète. Et en cherchant des planètes, donc avec cette méthode dont je viens de parler, on va essayer de détecter des petites baisses de la lumière d'une étoile périodique. Bon, on trouve des planètes, mais on trouve aussi autre chose. On peut trouver des naines brunes, et donc celle-là, KORO 15b, dont vous me parlez, elle a été détectée au début. Les premières observations KORO indiquaient que c'était un objet qui faisait à peu près la taille de Jupiter. Donc si ça fait la taille de Jupiter, ben, on se dit ça peut être une planète géante. Elle tourne à peu près 3 jours autour de son étoile. On voyait une baisse de la lumière de cette étoile tous les 3 jours. Et puis après, ce qu'on a fait une fois qu'on avait ce candidat avec Corot, qui était déjà bien caractérisé, avec Corot on avait tout un tas d'informations sur cet objet qui passait tous les 3 jours devant son étoile, on l'a observé depuis le sol en spectroscopie, notamment à l'observatoire d'Haute-Provence, pour mieux caractériser cet objet et notamment mesurer sa masse. Si ça avait été une planète, il fait à peu près la taille de Jupiter, on aurait trouvé à peu près la masse de Jupiter. Et c'est pas ce qu'on a trouvé, ce qu'on a trouvé c'est à peu près 60 fois la masse de Jupiter. Donc une 60aine de fois la masse de Jupiter, bah justement c'est le domaine des naines brunes, intermédiaire entre les planètes, qui font les planètes géantes quelques masses de Jupiter pour les plus massives, et les étoiles qui pour les moins massives font elles une 100aine de masses de Jupiter typiquement. Donc on est vraiment dans le domaine des naines brunes. À partir de cette découverte de Corot 15b, qu'est-ce qu'on a pu établir? Quels travaux de recherche ont pu être menés sur cette naine brune en particulier? Et quelles découvertes éventuelles ont pu être réalisées? On en est beaucoup dans un domaine d'exploration, c'est-à-dire qu'on essaye d'explorer bah, qu'est-ce qu'il y a comme type de naine brune, quelles sont leurs caractéristiques. On les caractérise notamment par leur masse. Hein. Alors déjà, on peut se poser la question, est-ce que vraiment cette caractérisation par la masse, est-ce que c'est la plus pertinente? Parce qu'on n'est quand même pas bien sûr que juste la masse soit le bon critère. Il peut y avoir d'autres effets, par exemple la métallicité, l'abondance en éléments lourds dans ces objets-là, qui pourra avoir un effet sur la détermination de la masse, qui peut donc déterminer si le deutérium ou l'hydrogène vont brûler aux masses que je viens de vous indiquer. Donc ça, c'est une des questions pour bien caractériser ces objets. On se pose également la question de leur mode de formation. Les planètes, on a une idée de comment elles se forment. Les étoiles, on a une idée de comment elles se forment. Alors, une naine brune, comment elles se forment? Est-ce qu'elles se forment toutes de la même manière? Est-ce que c'est vraiment le critère pertinent pour déterminer une nature d'objet? Est-ce que, en fait, pour caractériser un objet, il faut dire bah, c'est de telle manière qu'il se forme qui va dire quel type d'objet c'est? D'autres personnes pourraient dire, bah non, quelle que soit la manière dont il se forme, si au final c'est le même objet, bah, ça détermine une nature. Donc, il y a ce type de questions. Une dernière que je peux vous indiquer, si on prend tous les objets qui tournent autour des étoiles et on les classe en fonction de leur masse. Il semble que plus les masses des objets sont faibles, donc si on va des exo-Jupiter vers les exo-Terres, hein, autour d'autres étoiles que le Soleil, il y a de plus en plus de planètes en abondance, plus les masses sont faibles. Si à l'inverse, on va vers les domaines des étoiles, donc des étoiles binaires, des étoiles qui tournent autour d'une autre étoile, on regarde la masse de ses compagnons stellaires, plus elles sont massives, plus elles sont abondantes. Et donc au milieu, ça descend, et au milieu, c'est justement le domaine des naines brunes. Donc en gros, entre 15 masses de Jupiter et 100 masses de Jupiter, et bien là ça descend, et donc il y a un vide entre les deux, et c'est ça le domaine des naines brunes. Et donc c'est celui-là qu'on est en train d'explorer, et j'avais dit une dernière, mais j'en ai une toute dernière. Si on regarde maintenant les périodes de ces objets, les périodes orbitales, combien de temps elles mettent pour tourner autour de leur étoile, et bien on voit que dans les planètes, alors il y a plein de planètes qui tournent en quelques jours, notamment les Jupiters chauds qu'on a détectés il y a 25 ans et qui sont grandes surprises, hein, puisqu'il n'y en a pas dans le système solaire. Donc des planètes qui tournent en quelques jours, il y en a quand même pas mal. Des planètes qui tournent en des centaines de jours, il y en a plein. Pareil pour les étoiles. Et par contre, dans le domaine des naines brunes, bah, il semble qu'il y a ce qu'on appelle un désert des naines brunes. C'est-à-dire que si on regarde les périodes inférieures à 100 jours, on voit quasiment pas de naines brunes. Et justement, celle dont on parlait, Corot 15b, elle tourne en 3 jours. Donc en fait, c'est une sorte d'oasis dans le désert. C'est une des rares naines brunes détectées autour d'une étoile qui tourne juste en quelques jours. Et donc bah, ça c'est intéressant, et c'est de comprendre les modèles de formation et d'évolution de ces systèmes de planétaires et multistellaires et de naines brunes, comment ils se forment, comment ils évoluent pour arriver à cette situation où on a peu de naines brunes dans ce type de période. Voilà, c'est ce type de questions-là qu'on se pose et auxquelles on essaie de répondre en étudiant les objets comme Corot 15b. Et puis moi je travaille essentiellement dans l'observation, essayer de détecter de nouveaux objets, de les caractériser. Quand on cherche des planètes, eh bien en fait on trouve des planètes, évidemment, aussi, mais on trouve également des naines brunes. Et assez souvent, dans le passé, quand on trouvait des objets qui faisaient 20, 30, 40, 60 masses de Jupiter, on disait, bah, c'est pas une planète. Mm-hmm. Et donc, on pouvait être un petit peu moins excité. Et puis, il y a la pression, on peut pas observer tout, donc on fait des choix. Et je crois que c'est assez clair, je pense que beaucoup de mes collègues et moi-même, on est d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y avait une sorte de biais un petit peu contre les naines brunes. Et donc, eh bien, on avait tendance peut-être à moins les observer, et donc si on en observe moins, eh bien, on en trouve moins. Et donc ça, on essaie de le corriger notamment. Avec mes collaborateurs, je m'occupe avec Sophie, le spectroscope à l'Observatoire d'Haute-Provence, dont l'un des programmes principaux, c'est de détecter et de caractériser de nouvelles planètes extrasolaires. On a notamment un grand relevé qu'on fait depuis de nombreuses années, une dizaine d'années, où on cherche à explorer dans un volume déterminé autour de la Terre, du système solaire, de compter, de répertorier les planètes géantes. Et donc là, en faisant ça, on observe systématiquement toutes les étoiles avec certaines caractéristiques dans ce volume. Et bien, on trouve des candidats qui sont dans le domaine des naines brunes. Et donc là, et bien, on a fait un autre programme, en fait, depuis quelques années, avec d'autres collaborateurs, Flavien Kiefer, Shwita Dalal, notamment, qui travaille ici avec moi. Pour ces objets-là, et bien, on se dit, en effet, c'est plus des planètes, mais on va continuer à les suivre, continuer à les observer, puisque probablement ce sont des naines brunes, et ils vont nous permettre un petit peu de tenter de peupler le désert de naines brunes dont je vous parlais, et de mieux comprendre donc ces objets donc à l'interface entre les planètes et les étoiles. Voilà, cet entretien avec Guillaume Hébrard pour le reportage du jour consacré aux naines brunes. J'aimerais entendre votre réaction à l'une et à l'autre. C'est intéressant d'entendre Guillaume Hébrard dire qu'il y avait un biais contre les naines brunes, Céline Rélet. Ouais, mais je pense qu'effectivement, pas mal de personnes, de collègues qui travaillaient sur les naines brunes ont glissé vers les exoplanètes, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus excitant, comme il le dit, avec notamment la grande question des planètes habitables aujourd'hui. Est-ce qu'on a des planètes de type la Terre qui sont habitables? Donc, je pense qu'il y a effectivement eu un peu un désintérêt des naines brunes en faveur de la recherche des exoplanètes. Donc voilà, c'est bien d'entendre ce qu'il dit. Et puis il y a encore quelques personnes comme Clémence et moi qui continuons quand même à nous intéresser aux naines brunes. Il y a quand même pas mal de gens dans la communauté. un mot peut-être, Clémence Fontani, sur ce reportage et sur les méthodes de détection. Il y a une étude intéressante qui est publiée assez récemment, en novembre 2020, dans Astrophysical Journal Letters, sur l'utilisation des ondes radio comme nouvelle astronomie un peu multimessager. Oui, c'était vraiment une super découverte. C'est la première fois qu'on arrivait vraiment à détecter des naines brunes en utilisant des ondes radio. C'était vraiment nouveau. Donc c'était une grande découverte. C'est vrai que de manière générale, donc on a beaucoup parlé des naines brunes autour des étoiles. C'est vrai qu'on peut utiliser les mêmes méthodes de détection que pour les exoplanètes, pour détecter des naines brunes qui sont autour d'étoiles. De manière générale, ces mêmes méthodes sont même encore plus simples à appliquer pour des naines brunes, parce que ce qu'on cherche, c'est un objet relativement lumineux ou un objet relativement gros ou massif. Donc des méthodes qui marchent pour des planètes vont marcher encore mieux pour une naine brune qui est un peu plus lumineuse, un peu plus massive ou un peu plus large. Mm-hmm. Mais donc voilà. Et après, pour les naines brunes isolées, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir où pointer le télescope de base. On peut pas juste choisir une étoile et chercher quelque chose à côté. C'est les recherches dans le champ. Peut-être qu'on peut dire un mot à ce propos, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, Céline Rélet, à propos de ce qu'a permis Gaïa, notamment dans ses recherches en champ large. Oui, alors pour situer un petit peu, il y a eu des grands relevés au début du siècle, dans les années 2000, Denis, Thomas, le Sloan Digital Sky Survey, qui ont permis de découvrir plusieurs milliers de naines brunes dans le champ, enfin isolées, de naines brunes isolées. Aujourd'hui, donc je dirais qu'on est entre 4000 et 8000 naines brunes connues. Et ce qu'a apporté Gaïa, donc Gaïa a fait un relevé du ciel complet. C'est un relevé dans le domaine visible, donc a priori pas idéal pour la détection de ces astres plutôt rouges, voire infrarouges. Mais sa force, c'est vraiment de faire une couverture totale du ciel. Et l'autre chose, l'apport énorme de Gaïa, c'est qu'il mesure la distance des astres. Et cette mesure de distance permet vraiment de différencier des astres rouges qui seraient lumineux et lointains, enfin puissants et lointains, d'astres rouges, donc des grosses étoiles, de naines brunes, donc qui seraient également rouges, mais beaucoup moins puissantes. Mmh. Et cette puissance, cette luminosité intrinsèque, on peut l'avoir uniquement si on connaît la distance de l'astre, puisque plus l'astre est loin, moins il va éclairer la Terre. Et donc, grâce à ça, on a pu mettre en évidence plusieurs... Je pense qu'on a à peu près doublé le nombre de candidats. À nouveau, dedans, il y en a qui sont vraiment à la limite étoile naine brune, mais je pense qu'on a vraiment augmenté le nombre de candidats naine brune. Alors, ce ne sont pas les naines brunes les plus froides, parce que Gaïa est limitée, donc les astres vraiment très rouges et très petits, très peu lumineux, ils ne les détectent pas. Mais on a ici toute une découverte de naines brunes et partout dans la Voie lactée, que ce soit même en direction du plan galactique, et y compris des naines brunes qui sont très proches. On a à peu près doublé le nombre de candidats à moins de 80 années-lumière du Soleil, qui est juste à côté de chez nous. J'aimerais peut-être qu'on dise, vous vouliez peut-être, Clémence Fontani, ajouter un mot sur Gaïa et sur finalement aujourd'hui, encore une fois, l'augmentation, effectivement le doublement du nombre de candidats naines brunes. Oui, c'est vrai que Gaïa, ça révolutionne vraiment l'astronomie un peu dans tous les domaines, mais pour les naines brunes, vu le nombre limité d'objets avec lequel on doit travailler, c'est vrai que ça aide quand même beaucoup de découvrir tous ces nouveaux objets, ou du moins tous ces candidats de nouvelles naines brunes. Après, comme l'a dit Céline, effectivement, Gaïa est limitée aux naines brunes les plus brillantes, ce que Gaïa observe du coup dans la lumière visible. Donc ce sont que les naines brunes, soit très jeunes, qui sont encore assez brillantes, soit plus massives, qu'on peut détecter. Donc on est obligé encore d'utiliser d'autres méthodes pour détecter les naines brunes les plus froides et les plus petites. J'aimerais qu'on dise un mot maintenant des deux scénarios concurrents pour la formation de ces naines brunes, puisqu'il y a effectivement deux scénarios sur lesquels on n'a pas tout à fait tranché, mais pour lesquels on peut peut-être faire pencher un peu la balance, puisqu'il y a eu une détection dont on pourra éventuellement parler si on a le temps, d'une naine brune en formation OPHB11 en 2012. Céline Rélé, je vous laisse commencer. Il y a deux modèles, un qu'on appelle un modèle d'éjection, un autre qu'on appelle un modèle de turbulence. Je vous laisse en expliciter un et je laisserai Clémence Fontanis expliciter l'autre. Oui, il y en a peut-être un troisième. Bon, après, je suis peut-être pas spécialiste de la formation, des scénarios de formation, mais dans ma tête, il y en a peut-être un troisième. Donc, l'éjection, effectivement, c'est une naine brune se forme, on va dire, comme une étoile par fragmentation d'un grand nuage moléculaire. Donc, on a ces grands nuages, ces grandes nébuleuses qu'on peut voir entre les étoiles dans la galaxie, qui parfois se fragmentent en plusieurs milliers de petits bouts, et chaque fragment, en fait, va finir par former une étoile, et à cause donc des perturbations gravitationnelles de toutes ces étoiles qui se forment dans la même région de la galaxie, certaines peuvent être éjectées avant même d'avoir eu le temps de vraiment accréter toute la matière environnante pour atteindre la masse nécessaire pour fusionner l'hydrogène. C'est-à-dire que les gros noyaux stellaires, en fait, éjecteraient les petits, et puis les petits noyaux stellaires, du coup, deviendraient des naines brunes. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas eu le temps suffisamment d'accréter suffisamment de matière pour pouvoir déclencher ces réactions de fusion thermonucléaire. Oui. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. Clémence Fontanif, vous nous expliquez l'hypothèse numéro 2, qui est l'hypothèse du scénario qu'on dit turbulent. Ouais, c'est ça. Donc, dans le modèle turbulent, en fait, le problème principal qu'on a avec les mécanismes de formation d'étoiles pour créer des naines brunes avec les mêmes mécanismes, le gros problème, c'est que la masse critique qui est nécessaire pour que le nuage s'effondre sur lui-même est généralement assez élevée, et souvent même plus élevée que la gamme de masse des naines brunes. Donc, de base, si on utilise ces modèles tels quels, même les petits embryons qu'on va créer au début vont avoir tendance à être assez gros et très vite vont continuer à amasser de la masse, et on peut pas se retrouver avec quelque chose aussi petit qu'une naine brune. Donc il faut, on a besoin de mécanismes légèrement alternatifs pour pouvoir garder une masse très faible. Et une façon d'arriver à ce résultat, c'est d'avoir des ondes de choc qui se propagent dans le nuage et qui vont créer des zones de gaz qui sont un peu plus denses, où l'effondrement gravitationnel du nuage peut être déclenché pour des masses plus faibles. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle turbulent. On va avoir des ondes turbulentes de choc qui vont permettre à certaines régions du nuage moléculaire de s'effondrer en créant des embryons beaucoup plus petits. C'est ça. Avant finalement qu'ils atteignent la taille critique qui devrait normalement conduire à l'allumage de l'étoile. Voilà, c'est ça. Avant de pouvoir amasser suffisamment de masse et devenir vraiment une étoile. Et alors, Céline Rélé parlait d'un troisième modèle. Céline Rélé, vous voulez essayer de l'expliquer, ou Clémence Fontanif? Ben, en fait, c'est peut-être des scénarios qui sont peut-être moins suivis, je ne sais pas, mais j'avais en tête notamment des modèles de photoévaporation où une étoile qui vient de se former à côté d'une autre étoile en formation, une étoile très massive, très lumineuse, va émettre des vents stellaires très très puissants qui peuvent du coup déshabiller un peu l'étoile qui était en train de se former à côté de la matière, et donc voilà, ne plus se retrouver avec un astre qui n'a pas eu le temps d'accréter suffisamment de matière. Il y avait eu aussi des travaux sur des fragmentations de disques, donc de naines brunes qui se qui se formeraient dans des disques protoplanétaires, enfin dans des disques autour d'étoiles. Donc ça, c'est aussi des scénarios qui ont été évoqués. Après, peut-être que c'est un mélange un peu de tout ça. Mm-hmm. C'est des questions vraiment assez ouvertes. Pour le moment. Formation. Clémence Fontanis, peut-être un mot sur ces autres modèles alternatifs aujourd'hui, peut-être, ou qu'est-ce qui permettrait, est-ce qu'on a des éléments ou des observations qui permettraient de discriminer un modèle vis-à-vis de l'autre? Oui, donc c'est toujours un peu compliqué parce que juste en observant un objet, on n'a pas vraiment d'indice direct sur la façon dont il s'est formé. Donc ce qu'on peut faire, donc une des premières approches qui est souvent utilisée, c'est d'étudier les associations d'étoiles très jeunes, donc qui sont encore actives en formation d'étoiles, pour vraiment essayer d'observer ces objets en formation et observer directement les conditions dans lesquelles les étoiles et du coup les naines brunes naissent. Mmh. Ce qui peut souvent donner des indices aussi sur les scénarios de formation qui sont plus ou moins probables, c'est d'étudier les naines brunes et les populations dans leur ensemble. Et notamment, les systèmes binaires donnent pas mal d'indices importants. Donc, par exemple, on connaît certains systèmes binaires, donc de deux naines brunes qui tournent l'une autour de l'autre, mais à des distances assez éloignées. Et les scénarios, comme le processus d'éjection, sont vraisemblablement trop violents pour que ce genre de système puisse survivre. Parce qu'on aurait du coup deux toutes petites naines brunes qui commencent à se former, qui seraient éjectées de façon catapultée, de façon assez violente en dehors du nuage, et elles sont tellement peu massives et loin l'une de l'autre, en fait elles s'attirent mais déjà très peu, donc avec un scénario aussi violent, il y a très peu de chances qu'elles restent ensemble. Donc le fait qu'on observe ce genre de système binaire avec des forces, des liens gravitationnels entre les deux composantes très faibles, sont plutôt contre le scénario d'éjection. Et donc, ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Mm. C'est probablement, il y a probablement un mix de tous ces scénarios qu'on a mentionnés. Mm. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ces deux scénarios peuvent coexister, en fait. L'un n'est pas excluant de l'autre. A priori. On n'a pas. Probablement un résultat d'un peu tous ces. D'un peu tous ces scénarios, oui. Il y a beaucoup de délais avec Clémence Fontanis, d'où le temps parfois, les petits blancs que vous pouvez entendre à l'antenne. Un dernier mot pour conclure, on n'a pas vraiment le temps de revenir sur cette naine brune en formation qu'on a pu examiner au PHB 11, mais on y reviendra peut-être après, où on va vous mettre des liens sur notre fil Twitter. Une question que je trouvais amusante, qui a été posée au fil de l'émission par un de nos auditeurs ou une de nos auditrices. On a longtemps parlé de la fameuse planète 9, l'hypothétique planète qui serait aux confins de notre système solaire. Est-ce que cette planète 9, il est possible que ce soit une naine brune, Céline Rillet? Je ne sais pas. C'est une question piège pour finir. Voilà. Clémence Fontanis, vous avez une opinion sur ce sujet? Alors moi, il me semble que si elle existe, elle est plus petite qu'une naine brune. Mm. Il y avait l'hypothèse d'une naine brune un peu éloignée du système solaire, qu'on appelait Némésis. Mais je crois que cette hypothèse est plus valable. Mmh. Oui, de mémoire aussi, je crois que la taille de l'objet en question, ce sera à peu près la taille d'une planète comme Neptune, donc beaucoup trop petit pour pouvoir être une naine brune. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Céline Rillet, merci Clémence Fontanis d'être venue nous parler de ces naines brunes. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Demain, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui aura lieu jeudi, nous nous intéresserons demain donc à la recherche fondamentale sur les cancers résistants. Que faire face à certains cancers particulièrement complexes à traiter ou lorsqu'un patient commence à entrer en échappement thérapeutique? On en parle demain. Et jeudi, n'oubliez pas de le noter dans vos agendas, nous recevons un invité spécial, Neil deGrasse Tyson, l'astrophysicien, vulgarisateur, auteur de beaucoup de choses, dont la suite de la série Cosmos de Carl Sagan sera notre invité spécial jeudi 4 février. Nous on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.